ce que disent les amoureux, mille et un oiseaux l'avaient dit avant eux, l'avaient dit avant eux. Ce que chantent les amoureux, mille et un oiseaux l'ont chanté avant eux, l'ont chanté avant eux. Toutes ces paroles de la vie, sous le soleil ou sous la pluie, dans le petit matin venteux, ils les ont bien dites avant eux. Ces petits cadeaux échangés, ces beaux colliers, ces parures, tous les oiseaux s'en sont parés depuis longtemps dans les ramures. Ce que disent les amoureux, mille et un oiseaux l'avaient dit avant eux, l'avaient dit avant eux. Ce que chantent les amoureux, mille et un oiseaux l'ont chanté avant eux, l'ont chanté avant eux. Toutes ces promesses dans les yeux, tous ces je t'aime, je te veux, ces roucoulades à qui mieux mieux, les oiseaux l'ont vécu en mieux, les oiseaux l'ont déjà compris là-haut dans les nuées et les nids. Ils savent tout depuis toujours de ce qu'on appelle l'amour.